caule. Ou pe touve san ou gare kote maman mwen karete. Le ou pase belvede a vire a gauche monte mon nan. Bon kas blan se pa kosa chanchet a la kas ou kwe ya. Sini de zap se abitue. As mizik la peke bese. Ni affaires étaient cisées. Si on y mal pied, ou au tes souliers, la goutte d'ailleurs pour comment.